héros du ghetto. Et si la vie nous teste avec Shaitan en guise de poteau, à tous mes frères humbles à qui l'argent fait défaut, à toutes mes sœurs que la vie a gâté trop tôt, esquisse des darons à qui le taf ne fait pas de cadeau, j'ai une pensée pour tous les nôtres qui sont partis trop tôt. Parfois la poisse nous colle encore pire qu'une censure, on sèche les larmes comme on peut et regarde ce qui s'ensuit, des regards froids gars dans la chaleur d'attention. Je dis erreur d'analyse mais pour défaut d'attention à tous ceux qu'on aime et qu'on voudrait voir souvent. On croit que le temps nous manque et c'est pour ça qu'on s'invente des prétextes à franc d'eux pour pas se prendre un savon. Et tu sais qu'on serait deux à se rendre compte qu'on est con, voir un peu de joie pour essayer d'être heureux, mais je ne vois pas grand chose avec des larmes dans les yeux. Alors je tente car c'est déjà bien d'essayer, ma plume est trop sombre et rien ne peut l'arrêter. J'aimerais m'évader l'espace de quelques mesures, j'aimerais que ma prose puisse soulager toutes les blessures infligées par autrui et surtout par les traces du temps. C'est l'esquisse du passé pour enfin comprendre mon présent. Yen, that shag. Fais l'esquisse des miens qui comme nous galèrent, ceux dont la vie est tracée, tu sais, n'ont pas nos problèmes. Faire une esquisse, non, ne me permet pas de détailler. Mais tu t'en doutes, aujourd'hui, on veut tous se tailler pour changer d'air et d'ambiance sur la piste de la vie. Ça fait 20 ans que je mène la même danse, ok, tu suis. Pour l'inspire pathico, j'écris en vrai MC. J'serais déjà millionnaire si j'étais payé à la ligne. Et pourtant, c'est pas le cas, t'as saisi l'ambiguïté. Tu fais milieu où celui qui perd, ça les fait s'écarter. C'est vrai, je n'avance pas vite, et ça, je vous l'accorde. Mais je suis pas KO, je suis juste coincé dans les cordes. Ça prendra le temps qu'il faudra. Esquisse d'un galérien, celui pour qui tout foire, c'est comme beaucoup des miens. Esquisse de ceux qui, comme Ulysse, ont fait un beau voyage. En cure de désintox, sont enfermés dans une cage. Avec pour seul horizon la vision des barreaux. Avec pour appui tête, mec, tous les murs du ghetto. C'est l'esquisse d'un fils qui veut le meilleur pour sa mère. C'est l'esquisse d'un type qui veut sortir de la merde. Rien d'original et pourtant tellement complexe. Faire l'amour, c'est pas pareil que se donner du sexe. J'ai mon dessin dans mes pensées. Une île déserte, mais y'a que la merde pour compenser. Je veux mettre à l'aise la famille, les vrais amis et nous fourmis. Mais j'ai même plus le temps d'y penser. J'ai mal, alors je dessine mes mots dans ces lettres à pendre au pied de la lettre M. Je me complique l'esprit, même si pour moi c'est simple. C'est simple. Le monde veut César et c'est simple. Plein de silicone et siffler les cônes. Et si on fait des cônes et kiffe, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Avec un si, on pourrait refaire le globe. Mais malheureusement, le clock en est ainsi. J'aimerais contourner la terre de mes ancêtres. Mais au fait, ces êtres ici sont effacés, ces traits. J'suis pas très doué pour l'orthographie. Que j'esquisse un rire pour ceux qui aiment de se traiter.